À l'instant, c'était Egg dans Progapar. Vous êtes sur Sol FM, le 100.7, et on parlait de Steve Village à l'instant. Alors, transition logique avec le nouvel album live de Gong, un Gong 2000 qui a retrouvé toute la magie, toute la folie de la grande époque de la trilogie Radio Gnome Invisible, avec son album Zero to Infinity que l'on vous avait présenté ici même l'année dernière. Alors autour des survivants David Allen, Gilly Smith, Mike Ouellette et avec la participation épisodique de Didier Malherbe, Gong s'est produit à Londres en avril dernier et c'était l'occasion de prouver, s'il en était besoin bien sûr, l'excellence des trois petits jeunes que sont Théo Trévis au saxophone, Chris Taylor à la batterie et Guy aux épics au clavier. Eh bien, c'est cette prestation anglaise que l'on retrouve principalement sur ce Live to Infinitea, dont nous vous proposons deux extraits. Bodylingus, tout d'abord, qui est tiré de leur dernier album en date, subtilement enchaîné à Inner Temple, que l'on retrouverait pour sa part sur le classique Angel's Egg de 1973. Gong en live dans Progapar. My flesh is pressing, distressing, it's creeping, it's crawling, my bones are knocking, they're creaking, they're lacking appetite. My tongue is lick sticky wickety, my tongue is flickering, my teeth are tickling, gnashing, they're digging, dick, yuck, yuck, yuck. I have bad breath, bad breath, my bowels, my wise old bowels, downloading, downloading. Mystical. Yes. Awesome. Testing. Testing. Bonsoir mademoiselle Spock, elle est avec nous, elle va nous dire un petit bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier, qu'est-ce qui vient après Star Trek? Eh bien Twin Peaks. Planète. Bah, c'est Twin Peaks donc. Oui, non mais j'entends bien. Mais... Bienvenue dans votre émission mensuelle de séries télévisées. Non, c'est Ken Baird, hein, ouais, c'est bien ça, le multi-instrumentiste canadien Ken Baird qui publie son troisième album Orion, dans lequel on retrouve la chanteuse Sue Fraser, au timbre de voix assez proche de celui de Candice Night, la compagne de Ritchie Blackmore, et le guitariste Steve Cochran, que vous connaissez si vous êtes un fidèle de cette émission. Ken Baird continue sa relecture scolaire, on va dire, du langage progressif classique en empruntant ici et là au Michael Field d'Incantations, au Genesis de A Trick of the Tail ou encore au Renaissance d'Ashes Are Burning. Le résultat est tellement poignant, les mélodies sont tellement belles qu'on pardonnera à Ken Baird son manque d'originalité chronique. On écoute le morceau éponyme, je trouve ça vraiment superbe, hein, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est clair. Le morceau éponyme, donc Orion, c'est Ken Baird dans Prog à part. Falling into weather.

commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol, 100.7. C'est ma foi superbe tout ça, gorgeous comme disent les Anglais, très très chouette mon ami Olivier. Ah, je suis bouleversé. Ouais. Je pense à mon pauvre père qui a écouté ce morceau 4 fois par jour depuis 2 semaines. J'espère qu'il a trouvé bien. Je le souhaite aussi, il vaut mieux. Est-ce que tu pourrais me citer, c'est la question, alors vraiment, question pour un champion ou qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, allez. Allez, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. Bon. Est-ce que, Jean-Pierre, vous pouvez me citer le nom d'un groupe de progressifs originaire du Pérou? Fragile. Ouais, bien, il a révisé avant de venir. Je pensais qu'il avait demandé un joker, du style de téléphoner à un ami, mais non, non. Non, je suis un érudit, je m'en cache pas. Érudit rock, progressif. Eh bien, oui, il n'y en a qu'un seul, en fait. Il n'y a qu'un seul groupe originaire du Pérou. Recensé, en tout cas. Recensé. Un seul groupe qui, en tout cas, a percé. Un groupe qui a commencé en 76 et il s'appelle Fragile en français, avec un clin d'œil évident à Yes, il le cache pas. C'est un groupe qui a eu son heure de gloire, puisqu'ils ont été les premiers à fabriquer une clip vidéo. Le premier clip vidéo péruvien était un clip de Fragile, donc pour vous montrer un petit peu l'impact de ce groupe. Un groupe qui a tourné en Amérique latine, notamment en Argentine. 3 albums, mais c'est surtout le premier qui vaut le détour, premier qui a été édité en 81. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Alors vous allez voir, c'est un niveau un petit peu inférieur à Ken Baird, mais c'est un côté très sympathique, notamment au niveau des guitares, des fuzz guitares, un petit peu tendance pulsar, moi ça m'a rappelé. Donc c'est peut-être pas aussi symphonique, mais c'est quand même très très frais. Voilà tout de suite, Fragile, je termine en vous donnant le titre de l'album. Avenida Larco, L-A-C-R-O, et puis Avenida, l'avenue. Voilà, c'est réédité par nos amis de chez Rock Symphony, qui est, comme tout le monde sait, un label brésilien. Il lève la main. Oui, il y a Nathalie qui me demande c'est quoi Yes. Donc. Bon, on lui fera un petit cours tout à l'heure, on lui apportera un petit peu de documentation, et puis elle pourra peut-être réviser ses classiques. C'est un groupe qui monte, c'est un groupe qui monte en gros, voilà. Allez, Fragile. Tout de suite, Fragile sur le 100.7, je vous rappelle que vous écoutez Prog à part, l'émission du rock progressif sur Sol FM. my love, call me today, call me round. Travel we say, wander we choose, Neptune. Lay upon me, hold me around, lasting hours. We love and we play. New song du soleil. We love when we play. New song du soleil. Un petit intermède avec une petite dédicace bien affectueuse à Marivonne. Nous sommes du soleil. Oh, lasting remain when all time is gone and faded away? Will some kind residual order survive, keeping an ancient spirit alive? I must proceed, must carry on, that's what I know for certain. Direction clearly specified, but the focus is still blurred.